professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quand l'olivier a-t-il été domestiqué par les hommes, demande l'archéologue Jean-Pierre Brun. Comment est-il un symbole ancien d'éternité? Comment sa culture s'est-elle répandue dans tout le bassin méditerranéen? Comment naît la fameuse triade céréales, vignes et oliviers? Comment olivades et vendanges, ne se chevauchant pas, peuvent-elles permettre de se livrer aux deux cultures? Qu'est-ce que le concept de l'homme oint d'huile, symbole de l'homme civilisé dans l'Antiquité? Que nous apprend la génétique des oliviers, de leurs hybridations? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, nous entraîne dans une vaste fresque sur le temps long, dans le cadre de sa série Sur deux années, intitulée Techniques et économies de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. C'est une culture ancestrale, familiale, célébrée par les auteurs mésopotamiens, les romanciers égyptiens, les écrivains grecs et romains en tête. Nous entendrons l'éloge de l'olivier par Sophocle, quelques considérations sur la repousse par Pline. C'est une recherche très vivante et dynamique qui va des fouilles à la génétique et notre archéologue cite avec passion les références des articles les plus stimulants sur ce vaste sujet. Et de passion, il en sera souvent question, celle de nos lointains ancêtres pour un arbre, un fruit, des techniques si bénéfiques à l'homme et aux familles et au pays sur le temps long, mais aussi celle de Jean-Pierre Brun pour l'archéologie et l'histoire de l'huile d'olive. Dans ce cours d'ouverture, il explique son attachement à ce sujet qui date de ses travaux de thèse et de ses premières fouilles dans la région du Var. Dans sa leçon inaugurale donnée au Collège de France en 2012, Jean-Pierre Brun a annoncé, je le cite, « L'archéologie du vin, de l'huile, des céréales produites pour le marché nous occupera souvent. Nous tenterons de préciser les fluctuations de ces productions dans tout le bassin méditerranéen, comme cela a été réalisé récemment pour la Gaule. Ces fluctuations traduisent non seulement la variation de la demande en termes de démographie et de besoins culturels, mais elles reflètent aussi la politique des États, notamment de l'Empire romain. Ce dernier a accentué la spécialisation de certaines provinces, telles que la Sicile et l'Égypte pour le blé, l'Espagne et l'Afrique pour l'huile, la Gaule pour le vin, afin d'organiser et de rationaliser l'approvisionnement des armées et des grands centres urbains. Des régions comme la vallée du Bétis ou le Sahel tunisien n'avaient pas une vocation a priori pour l'oléiculture. Ce sont les exigences du pouvoir politique qui ont façonné leur économie, qui structurent encore le paysage et dont témoignent les imposants vestiges d'huileries antiques. C'est aussi cette vaste géographie que nous retrouverons ce matin. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 17 octobre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui de l'olivier sauvage à l'olivier domestique. Je vais commencer un cycle de 2 ans sur la production et le commerce des olives et de l'huile en général dans l'Antiquité. Cette année, je présenterai l'état de nos connaissances sur l'histoire naturelle, la culture de l'olivier et la production de l'huile. Et je suivrai donc les diverses étapes du traitement des olives dont les paramètres botaniques imposent des étapes donc qui, jusqu'à la technologie moderne, ont assez peu varié. Cette année, nous verrons donc l'état des techniques sur le temps long, presque immuable. Au cours d'une autre année de cours, je montrerai en revanche les mouvements qui affectèrent cette production au cours des 1500 ans qui se sont écoulés depuis le début de l'âge du fer jusqu'à la fin de l'Empire romain. C'est-à-dire, nous verrons les essors et les déclins selon les régions et selon les événements politiques et culturels. L'huile d'olive a été l'un des principaux produits agricoles de l'Antiquité. Elle a fait l'objet de trafics commerciaux, de prélèvements de tribus et de distributions publiques, notamment à Rome. Nous verrons toutefois que ce n'est pas le seul corps gras que les anciens Grecs et Romains ont utilisé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous indiquer les raisons de mon intérêt pour ce sujet qui m'a accompagné toute ma carrière. En 1969, j'ai commencé à participer à des fouilles d'une villa romaine située sur la commune de Lagarde, près de Toulon, dans le département du Var. J'ai pris la direction du chantier en 1975, et cette année-là, nous avons dégagé un ensemble de pressoirs romains fort bien conservés. Entre 1976 et 1979, j'y ai dirigé 4 campagnes de fouilles sur une partie du site qui s'est avérée être une grande huilerie du IIe siècle après Jésus-Christ, succédant à des installations de production d'huile du Ier siècle de notre ère. La destination de ces installations était assurée par l'association de pressoirs avec des noyaux d'olive carbonisés et avec une meule typique des moulins à huile. À partir de ces découvertes, j'ai approfondi le sujet en fouillant d'autres sites de ce type, à Tarado et le Roquebrune, toujours dans le département du Var, et j'ai présenté en 1983 une thèse de doctorat sur l'oléiculture antique en Provence. Toutefois, au cours de mes recherches, je me suis progressivement rendu compte que la majorité des pressoirs antiques découverts en Narbonnaise, c'est-à-dire en Languedoc et en Provence d'aujourd'hui, étaient destinés à la production de vin et non de l'huile, qui, somme toute, était assez marginale, tout comme l'olivier est marginal dans le sud de la France, car il occupe une zone à la limite climatique de son habitat naturel. Le sujet de la production du vin et de l'huile n'a donc cessé de me passionner, et j'ai progressivement élargi mes champs de recherche à l'ensemble de la Méditerranée, et mes thèmes non seulement à l'huile et au vin, mais aussi à tous les dérivés de ces deux produits, c'est-à-dire le vinaigre d'un côté, la murca, qui est le résidu naturel de la production de l'huile, les grignons, qui sont les noyaux broyés des olives et qui sont un excellent combustible, et aussi les parfums, et qui, comme je l'ai présenté dans mon cours de 2013, étaient fabriqués à base d'huile végétale, parmi lesquelles l'huile d'olive. L'huile d'olive est emblématique de la Méditerranée pour deux raisons. D'une part, l'huile que l'on se passe sur le corps et qu'on ingère est un des signes qui, selon les civilisations méditerranéennes, distingue l'homme civilisé du sauvage, le plus souvent qualifié de barbare. D'autre part, l'air où pousse naturellement l'olivier recouvre les bords de la Méditerranée et définit l'extension du climat méditerranéen, à la fois sec et chaud. Le premier concept, c'est-à-dire le passage de l'homme sauvage à l'homme civilisé, est déjà énoncé dans les plus anciens documents qui nous sont parvenus de Sumer au IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Dans une version ancienne de l'épopée de Gilgamesh, qui est conservée par fragments, Enkidu, l'homme sauvage, devient civilisé en mangeant du pain, en buvant de la bière et en étant enduit d'huile, en l'occurrence non pas d'huile d'olive, mais d'huile de graine, et aussi en l'étant habillé. Et je vous renvoie à cette belle publication de Jean Bottero, qui était professeur ici, et qui s'appelle « L'épopée de Gilgamesh », parue chez Gallimard en 1992. De même, en Égypte du Nouvel Empire, dans le roman de Sinoué, au moment où Sinoué rentre en Égypte, après une vie en Syrie, il retrouve son statut d'Égyptien civilisé lorsqu'on l'oint d'huile fine, c'est-à-dire pour lui d'huile de graine qui s'oppose en l'occurrence à l'huile d'arbre, c'est-à-dire à l'huile d'olive, comme nous le verrons dans une autre séance. On suit le concept de l'homme civilisé qui soigne d'huile tout au long de la littérature ancienne. En 400 avant Jésus-Christ, lors de l'Anabase, le fameux retour des 10 000 mercenaires grecs qui est raconté par Xénophon, ces mercenaires qui avaient été engagés par Cyrus le Jeune lors de sa révolte contre son frère aîné Artaxerxès II, ces mercenaires donc durent battre en retraite après la mort de Cyrus lors d'une bataille près de Babylone. Et cette troupe traversa alors l'Anatolie et le pays des Mosénéciens, des barbares donc, qui se servaient de graisse de dauphin à la place de la bonne huile d'olive, et on voit bien donc cette distinction très claire pour les Grecs. Ils ne se servent pas d'huile d'olive, donc ce sont des barbares. En Grèce, l'olivier s'accommode assez bien du sol pauvre et sec, et il était particulièrement apprécié et même vénéré, en particulier à Athènes, dont l'olivier était la richesse et le symbole, puisque Athéna, qui avait disputé l'Attique à Poséidon, l'avait gagné en offrant un olivier qui symbolisait l'avènement de la civilisation, opposé à la vie sauvage, qui était au contraire représentée par le don de Poséidon, qui avait offert une source d'eau salée. Ce sont toujours ces mêmes notions qu'exprimera Varron au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et en effet, dans ses Res Rusticae, au livre 1, paragraphe 7 et alinéa 11, il met dans la bouche de Cneius Tremelius Crophan, agronome et homme politique de son époque, la phrase suivante. « À l'intérieur de la Gaule transalpine, à l'époque où je conduisais une armée vers le Rhin, j'ai atteint plusieurs régions où ne croissaient ni la vigne, ni l'olivier, ni les arbres fruitiers. » Pour Crophan, qui est ici le porte-parole de Varron, il s'agissait d'un autre monde, étrange et froid, et qui demeura ainsi jusqu'à ce que ces cultures méditerranéennes les transformaient. L'expansion de la civilisation gréco-romaine s'est donc accompagnée d'une extension de la culture de l'olivier jusqu'à sa limite climatique, voire un peu au-delà. Car telle est la force du besoin culturel. Il tente de faire plier la nature pour se satisfaire. Avec la viticulture et l'oléiculture, la consommation de vin et d'huile d'olive, la Méditerranée en quelque sorte s'est dilatée progressivement. L'aire de l'olivier, climatiquement restreinte, s'étendit à son maximum de la Narbonnaise jusqu'aux confins du désert africain et de la Syrie jusqu'à la Lusitanie. À l'inverse, évidemment, l'aire de la viticulture, c'est beaucoup plus étendu puisque la vigne supporte beaucoup mieux des climats froids et humides. L'olivier était d'autant plus valorisé qu'il était considéré comme un symbole d'éternité et d'abondance, car il ne perd pas ses feuilles et vit plusieurs centaines d'années. Ce symbole a été particulièrement souligné dans le contexte de la Renaissance de l'incendie de l'acropole d'Athènes par les Perses. Selon Hérodote, au livre 8, paragraphe 55, l'olivier sacré d'Athéna, brûlé par les Perses, aurait repoussé dès le lendemain. Il y avait donc dans l'olivier une vitalité extraordinaire qui est explicitée par Aristide, le rhéteur pour qui l'olivier est le signe et l'instrument de la puissance vitale des vainqueurs au concours des Panathénées, auquel on offrait une amphore remplie d'huile des oliviers sacrés d'Athéna. Plutarque revient sur cette symbolique associant vitalité et éternité en précisant dans les propos de table, paragraphe 723F, « Sans cesse, l'olivier remplace les feuilles qui tombent par de nouvelles. Il demeure, comme la cité, éternellement vivant. » Au Ve siècle, avant Jésus-Christ, Sophocle écrit un véritable hymne à l'olivier dans la pièce « Œdipe à Colone » au vers 694-705. Je cite « Il est un plan dont je ne cherche pas qu'un pareil ait surgi jamais, ni sur le sol d'Asie, ni sur celui de la grande île dorienne de Pélops, c'est-à-dire pour nous le Péloponnèse, bien sûr, un plan indomptable qui renaît de lui-même, un plan qui est l'effroi des armes ennemies et qui croit en ces lieux mieux que partout ailleurs. L'olivier au feuillage brillant, le nourricier de nos enfants, l'arbre que personne, ni jeune ni vieux, ne peut brutalement détruire ou saccager. Le regard vigilant de Zeus Morios ne le quitte pas, et pas davantage celui d'Athéna Glaucopis. » Bien plus tard, Pline expliquera l'éternité de l'olivier par les repousses. Le tronc peut mourir, mais la souche reste en vie, combinant une vieillesse fabuleuse avec la vigueur juvénile de ses rejetons. Enfin, l'olivier était valorisé pour la valeur ajoutée qu'il donnait aux propriétés. L'orateur athénien Isée, au livre 9, paragraphe 28, disait de sa terre ancestrale, je cite, « Mon père l'a plantée en arbre et a doublé sa valeur. » Lynn Foxall, ma collègue de l'Université de Leicester en Angleterre, qui a écrit un livre remarquable intitulé « Olive Cultivation in Ancient Greece, Seeking the Ancient Economy » paru à Oxford en 2007, a commenté ce passage qui manifeste la stratégie à long terme des familles et des lignages. La pleine récolte des oliviers arrive après de nombreuses années et l'investissement dans la plantation suppose un projet de développement sur plusieurs générations. Ce sont les enfants et les petits-enfants qui profiteront des plantations d'oliviers. C'est un trait qui s'est perpétué à travers les temps et montre à la fois l'attachement à ces arbres qui viennent des ancêtres, de la famille bien sûr, et la valeur différée qu'ils représentaient. Les investissements à long terme destinés aux enfants avaient pour effet d'accroître la valeur des patrimoines et la stabilité des familles en tant que structure économique que l'on appelait alors les oikoi, c'est-à-dire les maisonnées. Ces investissements étaient à petite échelle, mais ils ont eu par leur accumulation un effet considérable pour le développement de certaines régions méditerranéennes sur la longue durée, et en particulier, comme nous le verrons à plusieurs reprises, pour certaines cités grecques et notamment latiques. Avant d'entrer complètement dans l'histoire de l'oliculture, il convient de rappeler ce que l'on sait de l'histoire naturelle de l'olivier, de sa domestication et de sa culture durant l'Antiquité. L'olivier, Olea européen, appartient à une famille d'arbres qui comprend 6 sous-espèces qui poussent de la Méditerranée jusqu'à la Chine. Je vous renvoie à un article de plusieurs auteurs, commençant par Bestnar, qui s'appelle « Polyploid in the Olive Complex, Evidence for Flow Cytometry and Nuclear Microsatellite Analysis » paru dans Annals of Botany en 2008 et qui donne donc, qui remet l'olivier à sa place dans cette famille des arbres oléagineux. On distingue d'une part l'olivier sauvage, que l'on appelle l'oléastre, et en termes techniques, oléa européen, oléaster. C'est un arbuste épineux, à petites feuilles, et qui produit peu de fruits. Ces derniers sont petits et donnent une huile peu abondante, mais beaucoup plus délicate que celle des oliviers cultivés. Nous verrons que, depuis le néolithique, au Moyen-Orient et dans la péninsule ibérique, on a tiré de notables quantités d'huile des olives sauvages. Mais à l'époque gréco-romaine, sa production n'est plus signalée que comme une curiosité, ou comme une base de médicaments et de parfums. L'olivier sauvage, qui renvoyait au temps mythique, était utilisé pour des usages traditionnels. Par exemple, la couronne du vainqueur des Olympiades était faite de branches de l'olivier sauvage Callistéphanos, c'est comme ça qu'on l'appelait, celui aux belles couronnes, l'olivier sauvage donc qui était dans le sanctuaire d'Olympie et dont la longévité extraordinaire a été rappelée par Théophraste dans l'Histoire des plantes, livre 4, 13, 2. Il y avait aussi donc l'olivier domestiqué, Olea europaea sativa. Lui, ce n'est plus un arbuste, mais un véritable arbre qui peut atteindre de grandes hauteurs. Il présente des feuilles oblongues et porte des fruits de grosseurs diverses suivant les variétés. Celles-ci sont très nombreuses, même sans compter les homonymies, et elles ont été le plus souvent créées par l'homme qui a sélectionné les arbres qui donnaient les plus beaux fruits en fonction de ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire soit les consommer en conserve, soit en faire de l'huile. C'est au cours de l'ère tertiaire que l'olivier est apparu sur le pourtour méditerranéen, dans ce continent que l'on appelle alors Tétis, et où régnaient des conditions climatiques chaudes et humides, et donc une végétation tropicale. Et je vous renvoie à un article de plusieurs auteurs, dont Isabelle Figueral, qui s'appelle « The Miocene Peat Forming Vegetation of Northern Germany, an analysis of wood remains and comparison with previous paleontological interpretation », paru dans « Review of Paleobotany and Palynology » en 1999 et qui a donc donné le début de ses recherches sur l'implantation de l'olivier à l'ère tertiaire. La Méditerranée s'est formée au cours du Miocène, vers 5,5 millions d'années, et les oliviers sauvages se sont alors répandus sur les bords de la mer. Depuis le Pliocène, c'est-à-dire il y a 3 millions d'années, le climat méditerranéen a été sec et hiver frais, s'est progressivement mis en place à la suite des modifications de la circulation atmosphérique et de l'apparition du Gulf Stream. Ce climat convient bien aux oliviers qui densifient leur population jusqu'à ce que les grandes glaciations de la fin du Pliocène, à partir de 2,5 millions d'années, et du Pléistocène, entre 1,5 million d'années et 12 000 ans avant Jésus-Christ, ne réduisent drastiquement sa distribution dans des zones mieux protégées du froid sur les bords de la Méditerranée, c'est-à-dire essentiellement sur la côte de la Syrie et d'Israël, de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique. Mais cette coupure en zone isolée pendant très longtemps explique la génétique particulière des oliviers sauvages et puis cultivés. La coupure se situe au niveau du golfe des Syrtes et de l'Adriatique. Les oléastres du bassin oriental de la Méditerranée n'ont en effet pas le même patrimoine génétique que ceux de l'Ouest. Les premiers sont caractérisés par le mitotype appelé ME1, alors que les seconds le sont par des marqueurs que l'on appelle MOM et MCK. Au Proche-Orient, les variétés cultivées portent toutes le mitotype ME1, ce qui signifie qu'elles descendent des oléastres locaux. En revanche, le stock génétique des variétés occidentales est beaucoup plus hétérogène. Certains cultivars, c'est-à-dire les espèces, les variétés qui ont été cultivées et qui sont aujourd'hui visibles et que l'on peut échantillonner, certains cultivars donc sont issus des espèces sauvages locales. Mais la majorité, telles que par exemple les variétés françaises Picholine ou Luc, associent des mitotypes orientaux et occidentaux. Les études sur lesquelles je me fonde ont été publiées à partir de 2000, de l'année 2000, et ont été poursuivies par la suite. Je cite quelques-uns de ces travaux parce qu'ils sont importants dans la mesure où ils ont totalement remis en cause notre schéma que les historiens s'étaient fait, d'une extension de l'oléiculture liée aux migrations des Phéniciens et des Grecs vers l'Ouest. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées, comme toujours en histoire. Donc, je vous renvoie à quelques articles qui me paraissent importants. Un premier, donc, de Besnard et Bervillet, qui est paru en 2000, qui s'appelle « Multiple Origin from Mediterranean Olives », based upon mitochondrial DNA polymorphism, et qui est paru dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris. Il y en a un autre tout à fait dans la même lignée par presque les mêmes auteurs auxquels s'est ajoutée Catherine Breton, paru en 2001, qui s'appelle « Olive Domestication from Structure of Oleaster and Cultivar Using RAPDS and Mitochondrial RFLPS », paru dans « Genetic Selection Evolution ». Et plus récemment, ce qui donne une idée beaucoup plus générale, toujours à peu près par les mêmes auteurs, c'est-à-dire Besnard, Kadari et plusieurs autres, qui s'appelle « Pleistocene Legacy of the Mediterranean Olive Tree from Late Quaternary Genetic Diversification to Primary Domestication in the Northern Levant » et paru dans les « Proceedings of the Royal Society » en 2013, et donc on voit que ce filon de recherche est dur depuis presque 20 ans maintenant, et il est toujours actif et il nous donne toujours de meilleures idées sur la génétique de l'olivier et sur les flux génétiques et donc les transplantations de variétés au cours des temps. Donc ces généticiens, à la fin, concluent que les variétés occidentales ont été formées par hybridation entre les oléastres occidentaux, c'est-à-dire les oliviers sauvages occidentaux, et des espèces, des variétés cultivées, qu'on appelle cultivars, qui étaient importées d'Orient. L'introduction des cultivars orientaux a été combinée avec la domestication des oléastres locaux afin de créer des variétés adaptées au climat et au terrain. Comme un olivier ne produit véritablement qu'à partir de 15 ans, la greffe des variétés importées sur des oléastres locaux, qui étaient déjà grands, faisait gagner beaucoup de temps sur les premières récoltes, et c'est vraisemblablement comme ça que se sont diffusées les variétés orientales, donc qui ont été transportées vers l'Occident. La mémoire génétique des plantes offre donc un support à l'hypothèse d'une domestication de l'arbre à la fois au Proche-Orient et en Occident, c'est-à-dire principalement dans la péninsule ibérique, mais aussi au transport de boutures dans le bassin occidental de la Méditerranée, à partir de l'âge du bronze, voire déjà dès le néolithique, des boutures donc qui venaient de la partie orientale de la Méditerranée. Après les glaciations, l'olivier s'est étendu lentement. L'association entre les pollens d'olivier et de pistachiers lentisques devient fréquente à partir du néolithique, soit dans le courant du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Et l'on commence à trouver des charbons de bois dans les gisements, à la fois de la côte levantine, de la péninsule ibérique, et là je vous renvoie aux travaux de Jean-Frédéric Terral, un article qui s'appelle « Début de la domestication de l'olivier en Méditerranée nord-occidentale, mise en évidence par l'analyse morphométrique appliquée à du matériel anthropologique », paru dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris en 1997. Et Terral a continué ses recherches par la suite et il a plus récemment publié Exploitation and Management of the Olive Tree During the Prehistoric Times in the Mediterranean, France and Spain, paru dans Journal of Archaeological Science en 2000. Et je vous renvoie à ces deux articles qui sont essentiels pour comprendre l'implantation et la diffusion de l'olivier dans la péninsule ibérique. Mais c'est également le cas aussi en France, où Jean-Louis Vernet, dès 1997, dans son ouvrage « L'homme et la forêt méditerranéenne de la préhistoire à nos jours » paru aux éditions Errance, avait indiqué que l'homme commence alors à utiliser couramment le bois et les fruits de l'olivier, et donc se pose dès lors, dès le néolithique, la question de la domestication de l'olivier, y compris en Occident. L'olivier fait donc partie de la végétation spontanée, avec la vigne, le figuier, le grenadier, Punica granatum, l'arbousier, le poirier, le caroubier, et dans les marges sud de la Méditerranée, le palmier dattier, que l'on appelle Phénix dactylifera. Il fut parmi les premiers arbres fruitiers qui ont été domestiqués selon un lent processus. Ce processus a dû commencer par une mise en culture consistant à nettoyer les arbres sauvages autour des campements et des premiers villages au néolithique. Selon Laurent Boubi, dans son ouvrage « L'agriculture dans le bassin du Rhône, du bronze final à l'Antiquité », paru à Toulouse en 2014, les arbres sauvages donc étaient nettoyés, taillés, entretenus aux abords des habitats. Et au fur et à mesure qu'on s'éloignait de ces habitats, bien sûr, ils étaient moins bien soignés, donc plus proches de la forme sauvage. La preuve de la taille est donnée par les études anthropologiques. Les spécialistes, dont Jean-Frédéric Terral, savent distinguer par l'étude des charbons de bois les arbres qui ont été taillés ou non. Et donc c'est très utile pour les archéologues pour savoir si on a affaire à de la culture ou simplement du recueil de bois tombé. Et je vous renvoie à son article avec plusieurs co-auteurs, dont Aline Durand, Newton, etc., qui s'appelle « Archéobiologie de la domestication de l'olivier en Méditerranée occidentale, de la remise en cause d'une histoire dogmatique à la révélation de son irrigation médiévale » paru dans « Études et Roltaises » en 2009. Car les spécialistes d'anthropologie non seulement arrivent désormais à distinguer les arbres qui ont été taillés, mais aussi ceux qui ont été artificiellement irrigués, ce qui évidemment est une autre preuve de la culture. Cette utilisation précoce des arbres sauvages, ainsi soignés, implique que la culture des arbres fruitiers ait débuté dès la sédentarisation, comme l'a pensé Madame Valamotti dans un article qui s'appelle « Harvesting the Wild, Exploring the Context of Fruits and Nuts, Exploitation at Neolithic Dactylitash with Special Reference to Vine », mais qui parle aussi des autres végétaux, paru dans la revue « Vegetation, History and Archaeobotany » en 2015. En même temps que les premières cultures de céréales, les hommes du néolithique ont commencé à prendre soin donc des arbres utiles, dont les oliviers qui poussaient sur les terres marginales, dans les garrigues et dans les collines, où la culture des céréales n'était pas possible, mais qui offrait en quelque sorte une complémentarité et une diversification alimentaire. Comme la récolte des fruits de la vigne et la vinification sont au moins aussi anciennes, on voit que la triade, fameuse triade méditerranéenne qui associe les céréales, le vin et l'huile d'olive, se met en place dès le néolithique, vers 6000 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on voit apparaître les premiers vestiges de culture de l'olivier sous forme de noyaux d'olive et de feuilles, comme par exemple à Terra dans les Cyclades. La viticulture et l'oléiculture sont associées d'emblée, car elles exigent un savoir-faire, des instruments et des techniques qui sont apparentées. Dans l'Égypte du Nouvel Empire, la culture des oliviers était entre les mains des Camus, un nom qui désignait les vignerons, mais qui utilisait donc les mêmes types de pressoirs pour presser les raisins et pour extraire l'huile. En Grèce, chaque paysan faisait son vin et son huile, cultivant de petites parcelles de vignes et de céréales et plantant des oliviers en bordure des chemins. Les travaux agricoles que demandent la vigne et l'olivier ne se chevauchent pas. Les vendanges et les olivades n'ont pas lieu aux mêmes périodes et un agriculteur peut aisément mener de front les deux cultures, en plus de celle des céréales. Dans l'esprit des Romains aussi, cultiver la vigne et l'olivier formaient un tout. Virgile écrit dans les Géorgiques « À l'œuvre, cultivateur, il y a du plaisir à planter Bacchus sur l'Ismare et à vêtir d'olivier le massif du Taburne. » L'Ismare est une montagne de Thrace dans le nord de la Grèce et le Taburne, un massif du Samnium en Italie méridionale. Dans son Histoire naturelle, au livre 14, paragraphe 150, Pline l'Ancien rappelle qu'il y a deux liqueurs très agréables au corps humain, le vin pour l'intérieur et l'huile pour l'extérieur, rappelant ainsi que l'huile était beaucoup utilisée pour les soins du corps. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce sont donc pour eux, c'est-à-dire pour les anciens, les deux produits de base de l'alimentation. À l'occasion d'un discours prononcé à Antioche en 363 après Jésus-Christ, l'empereur Julien opposera au luxe de la table dans une ville riante et frivole, comme l'était Antioche, l'idéal d'une alimentation vertueuse. Cette dernière ne doit comporter que trois produits de base, le pain, le vin et l'huile. C'est le fameux discours qui s'appelle « Misopogone » au paragraphe 20, c'est-à-dire l'ennemi de la barbe. Le Collège de France et France Culture vous présente l'archéologue Jean-Pierre Brun, aujourd'hui de l'olivier sauvage à l'olivier domestique. Il convient maintenant d'examiner les processus de culture en vigueur dans l'Antiquité. Et nous allons commencer, bien sûr, par les plantations. Comme pour tous les végétaux, on peut planter des noyaux d'olive pour obtenir des arbres. Et c'est ainsi que Zénon de Cnos procéda pour créer une piépinière dans le grand domaine qu'il gérait dans le Fayoum, en Égypte, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Son agenda indique se procurer des noyaux d'olive. Et c'est dans un papyrus, les papyri de la Société italienne, numéro 430. Ce procédé, c'est-à-dire planter des noyaux d'olive, utile pour créer des oliveraies dans des régions totalement dépourvues d'oliviers, présente de nombreux inconvénients. La pousse est extrêmement lente, le taux de mortalité des jeunes pousses est élevé, et du fait de la pollinisation croisée des arbres, leur descendance n'est pas identique à la variété d'origine. En effet, le noyau conserve la mémoire génétique, et si l'on sème un noyau, on obtient un oléastre sauvage, comme d'ailleurs le rappelle Théophraste dans l'Histoire des plantes. Enfin, recherche les plantes. La variété obtenue peut donc être complètement différente de celle du noyau qui a été semé. Ce qui revient à dire qu'il faut greffer les oliviers qui sont ainsi obtenus et qui donneront donc des fruits bien plus tard. Le 8 octobre 255 avant Jésus-Christ, Apollonios, qui était le ministre des Finances de Ptolémée II, roi d'Égypte, et qui possédait donc le grand domaine où Zénon exercée, dont Zénon assurait la gestion, lui recommande, en conséquence, de prélever 3000 greffons dans la pépinière royale de Memphis, de façon à introduire des variétés grecques à la place des variétés égyptiennes. Et cette lettre est conservée sous le nom du papyrus Cairo-Zénon, 59184. En fait, le bouturage était le mode de reproduction dominant. Xénophon, dans l'économie, paragraphe 19, ne cite qu'elle, en précisant qu'il faut courber les boutures en terre pour qu'elles prennent racine. Et c'est aussi la technique que l'on emploie couramment aujourd'hui. Les boutures devaient être plantées verticalement, horizontalement, et ainsi que l'indique Théophraste dans Causis Plantarum, un autre livre sur l'origine des plantes, au livre 3, paragraphe 5, numéro 4. Mais une proportion importante des boutures ne prend pas à cause de la sécheresse, par attaque phytosanitaire, ou bien parce qu'elles sont mangées par les chèvres. On pouvait aussi prendre un rejet détaché de la souche, ce que l'on appelle le souché. Selon Théophraste, dans les recherches sur les plantes, livre 1, 8, 6, c'est la meilleure technique. Le plant prend bien et on peut le mettre directement dans le champ. Mais l'ablation de tels souchés affaiblit beaucoup l'arbre originel et on ne peut donc procéder de la sorte qu'à intervalles assez longs. Les deux techniques se retrouvent durant toute l'Antiquité. À l'époque romaine, Sénèque les décrit dans une lettre à Lucilius, au livre 9, la lettre 86, et je cite, il dit « Aegialus a transplanté avec toutes leurs souches des sujets de belles venues, dont il avait coupé les rameaux à un pied du tronc. » Voici donc le second monde de transplantation qu'Aegialus a pratiqué. Il prend des rameaux assez forts et des corses tendres, tels qu'en fournissent les jeunes arbres, et opère comme dans l'autre cas. La croissance est un peu plus lente. Une autre technique consistait à greffer des rameaux d'olivier sur des troncs d'oléastres. Cette technique et cette pratique a largement contribué à l'expansion de l'olivier, en Grèce notamment, à partir de l'âge du bronze, époque où l'oléastre dominait. Homère, d'ailleurs, y fait allusion dans un célèbre vers de l'Odyssée, au livre 5, vers 400, au chant 5, vers 480. Et je cite, « Au sommet d'une crête, Ulysse alla se glisser sous le double tronc d'un olivier sauvage et d'un olivier greffé. » Théophraste mentionne cette pratique dans « Les causes des plantes », livre 3, 5, 5, et explique que la domestication peut s'inverser et que les arbres peuvent retourner à la forme sauvage. C'est aussi une opinion que ne partage pas Dioscoride, qui est un médecin grec du 1er siècle après Jésus-Christ, qui considère qu'il y a bien deux types d'arbres, et en tant que médecin fabricant de remèdes, il s'intéresse surtout à la forme sauvage, considérée comme une plante médicinale et parée de diverses vertus. Le paysage antique, en Grèce et probablement partout en Méditerranée, associait donc des oléastres, des oliviers domestiques, et des formes hybrides. Au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, dans le domaine de Taléon, sur l'île de Mykonos, le bail agricole, qui est conservé sous la forme d'une inscription trouvée dans le temple d'Apollon à Délos, indique qu'il y avait 200 oléastres, 157 oliviers cultivés et 87 oléastres greffés. Cette combinaison signifie peut-être que le processus de greffage était en cours et que donc on était en train d'étendre les greffes et donc les oliviers cultivés aux dépens des oléastres. Une mention de Pline dans l'Histoire naturelle, livre 17, paragraphe 129, et plusieurs inscriptions montrent que le greffage était aussi une pratique courante en Afrique durant l'époque romaine. L'inscription d'Enchir Métique dans la vallée de la Medjerda, datée entre 115 et 117 après Jésus-Christ, et publiée au corpus des inscriptions latines 8-25-902 prévoit une exonération fiscale de 5 ans pour les oliviers greffés et de 10 ans pour les oliviers plantés. Et là, on voit bien la différence, évidemment, de productivité. Les oliviers greffés sur des oléastes sont productifs beaucoup plus rapidement. L'épitaphe de l'agriculteur qui possédait le Fundus Aufidianus près de Mater en Tunisie, aujourd'hui Bou Hassid, et qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ, rappelle, parce qu'il s'en vante, qu'il avait créé des olivettes en greffant des oléastres stériles. Et il est possible, en fait, qu'il s'agisse d'anciens oliviers retournés à l'état sauvage. L'étude de cette inscription très intéressante a été faite dans un article publié par Jean Perras dans Antiquité africaine 1975 et qui s'appelle « Le Fundus Aufidianus », étude d'un grand domaine romain de la région de Mater, et je vous renvoie à cet article qui est tout à fait éclairant. L'utilisation de rejetons issus de noyaux et la greffe des oléastes, notamment dans les pays de très ancienne tradition oléicole, produit parfois des variétés hétérogènes. Ainsi, la variété Chemlal de Kabylie est composée de plusieurs sous-populations selon que les arbres sont issus de noyaux ou de boutures, et les deux catégories sont assimilées par erreur. Ainsi, la variété évolue sans que le nom change. Et c'est donc un des problèmes auxquels nous sommes en permanence confrontés, c'est adapter les noms antiques à des variétés d'aujourd'hui, c'est pratiquement chose impossible à cause de cette évolution insensible. Les variétés se sont multipliées de cette façon. Soit qu'on ait choisi de planter des arbres consciemment sélectionnés pour leurs gros fruits ou leur qualité oléifère, c'est-à-dire les olives qui contenaient le plus d'huile, soit qu'on ait laissé inconsciemment se produire des mélanges et des hybridations. On plantait généralement les oliviers au printemps, mais dans certaines régions, comme la Laconie en Grèce, on préférait les mois d'été, si l'on en croit Pline au livre 17, paragraphe 133. Les oliveraies étaient généralement implantées sur les collines et l'on évitait les fonds de vallées trop humides. En effet, si l'olivier supporte une certaine sécheresse, l'humidité des bas-fonds lui est nuisible, et nuisible en particulier à sa floraison. Cette localisation dans les bas-fonds peut être aussi catastrophique en cas de gel, car l'olivier y est très sensible. Les anciens recommandaient des plantations régulières. Varron, au 1er siècle avant Jésus-Christ, écrit dans les Res Rusticae, livre 1, 7, 4, les arbres qui sont plantés régulièrement sont soumis de toutes parts à la cuisson du soleil et de la lune. Ainsi, les raisins et les olives croissent plus nombreux et mûrissent plus vite. Mais il y avait des oliviers centenaires qui marquaient le paysage de façon désordonnée. Il s'agissait le plus souvent d'anciens oléastres qui avaient poussé au hasard et qu'on avait greffés. Comme les vignes, on peut nommer ces oliviers qui poussent au hasard, des oliviers en foule, et c'est ainsi que Pollux, dans son ouvrage Onomasticon, livre 5, paragraphe 36, traduit en quelque sorte par le terme xustas. Les oliviers dispersés au hasard dans le territoire étaient très nombreux en Attique dès l'époque archaïque. Il s'agissait certainement d'oliviers sauvages, très anciennement greffés et considérés comme sacrés. Ils pouvaient être mêlés à des oliviers ordinaires dans certaines propriétés, comme nous l'apprend Lysias dans le discours qu'ils appellent sur l'olivier sacré en 7.24. Mais ils étaient physiquement séparés des autres par un sécos, c'est-à-dire par un enclos sacré, un peu à la manière d'un sanctuaire, d'un héros ou d'une tombe, un enclos qu'on ne pouvait pas démolir et qui était la manifestation de la sacralisation de l'arbre. La gestion de ces arbres sacrés, appelés moriae, était une affaire d'État, car ils fournissaient l'huile destinée à récompenser les vainqueurs du concours des grandes panathénées, qui avait lieu tous les 4 ans depuis 566 avant Jésus-Christ et qui manifestait le prestige panhellénique d'Athènes. Ces arbres sacrés se trouvaient le plus souvent dans des terrains privés, mais ils étaient contrôlés par l'État car une partie des olives était due à la déesse Athéna. À raison de 1,5 cotyle d'huile par arbre, soit 37,5 centilitres. L'aréopage était chargé d'organiser la récolte des olives de ces moriailles, et nous le savons grâce à Aristote, qui détaille cette affaire dans la Constitution d'Athènes, au paragraphe 60 et dans les paragraphes suivants. En effet, on désignait 10 magistrats, un par tribu, les athotétaï, qui restait en charge 4 ans et qui avait le rôle d'organiser le concours musical, le concours athlétique, la course des chevaux des grandes panathénées et aussi la fabrication du péplos d'Athéna, ainsi que des amphores qu'on offrait aux athlètes vainqueurs. Une inscription de la première moitié du IVe siècle, Inscriptiones Graecae 12, 2311, indique que 1113 amphores de 38 ou 39 litres ont été fabriquées cette année-là, ce qui représente environ 43 000 litres d'huile d'olive. Selon Lynn Foxall, dans son ouvrage de 2007, un olivier peut produire entre 3,5 et 3,8 litres d'huile dans les bonnes années. En tenant compte de la biannualité de la production, une telle quantité d'huile, c'est-à-dire les 43 000 que je viens de citer, équivaudrait à la récolte de 5 500 à 6 500 oliviers sur une période de 4 ans, c'est-à-dire l'intervalle entre les palinténies. Si le prélèvement cité par Aristote est valable, cela suppose qu'il y avait au moins 10 fois plus de moriailles, c'est-à-dire entre 55 000 et 65 000. Le cotyle et demi représenterait donc à peu près 10% de la récolte, soit une proportion, une dîme, qui est bien attestée dans d'autres cultes. L'importance de ces oliviers sacrés était telle pour Athènes que couper un morien était puni de la peine de mort, ce qui assurait la pérennité de leur dispersion. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du procès dans lequel Lysias défend un paysan accusé par un sycophante d'avoir arraché le tronc d'un morien et qui avait donc a fait l'objet de ce discours qui nous est conservé, qui s'appelle « Sur l'olivier sacré ». Mais au IVe siècle, la peine de mort pour ce crime n'était plus véritablement appliquée. Sortant du domaine sacré pour entrer dans les affaires profanes, le discours de Démosthène, sosité contre Mercartatos, 43-68-72, raconte une histoire de coupe frauduleuse d'olivier, mais sur un terrain privé. Un certain Théopompe avait coupé un millier d'oliviers dans le champ d'Agnas après la mort de celui-ci et avait vendu très cher le bois en infraction à la loi qui prévoyait une amende de 100 drachmes par olivier coupé. Lors de la plantation, les oliviers étaient plantés soit en fil, en bordure des chemins et des limites de propriété, soit en rangées régulièrement espacées. Pollux, dans l'Onomasticon 5.36, explique le terme « stoikas » de cette façon, témoignant que Solon, né à Athènes vers 640 avant Jésus-Christ et mort vers 558 avant Jésus-Christ, ce personnage qui a donné sa fameuse législation à Athènes, donc donnait le nom de « stoikades » aux oliviers plantés en fil, et qu'il opposait donc aux oliviers sacrés qui, eux, étaient dispersés dans la campagne. Donc on voit bien la différence entre les oliviers sacrés, qui sont en fait des oliviers sauvages qui ont été greffés, et les oliviers plantés en fil, qui sont les stoikades. Depuis l'époque grecque archaïque au moins, les oliviers étaient utilisés pour marquer les limites de propriété. À Athènes, Solon avait imposé qu'ils ne soient plantés à moins de 9 pieds de la limite. Et c'est ce que nous rapporte Plutarque dans la vie de Solon, paragraphe 46. Au début du IVe siècle, avant Jésus-Christ, Xénophon, dans l'Économique, en 1913, dit explicitement que les oliviers sont plantés le long des chemins, donc en bordure des parcelles. Et une inscription de Delphes, datée de 117 avant Jésus-Christ, publie une sentence arbitrale délimitant le territoire de cité. Ce sont de vieux oliviers qui, à un endroit, servent à délimiter la frontière entre Delphes et la terre sacrée d'Apollon. À la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, Hygin, dans l'œuvre Grammatique, paragraphe 38, rapporte qu'il est habituel, je cite, que les oliviers, chaque fois qu'ils se trouvent dans deux propriétés ou dans deux terres voisines, n'aient pas leur rangée disposée en une seule ligne, de sorte que ces lignes, qui ne se confondent pas, attestent du droit de propriété de chacune des terres. Donc les oliviers étaient très souvent utilisés comme limite, et c'est là que nous devons espérer les trouver archéologiquement. Et pourtant, les traces archéologiques des plantations d'oliviers sont encore bien rares. À l'époque romaine, dans l'oasis de Kizis, c'est-à-dire Tel Douche, dans l'oasis de Harga, aujourd'hui en Égypte, des champs étaient bordés de fils d'oliviers. Et c'est uniquement parce que ces terres sont retournées au désert après l'époque romaine que tout cela s'est bien conservé. Les travaux dirigés par Michel Redé et Bernard Bousquet en ont retrouvé les racines lors des fouilles. Le papyrus P. Yandalin 142, publié à Leipzig en 1912 et dans les années suivantes, daté de 164-165 après Jésus-Christ, concerne précisément cette zone de Kizis et assure que sur ces parcelles, plusieurs cultures étaient associées, de l'orge, des vignes, des oliviers et des palmiers dattiers. Et il est fait mention à plusieurs reprises de jeunes oliviers. Et ce sont donc ces vestiges qui ont été retrouvés. Je vous renvoie pour ceci tout à fait passionnant aux travaux de Bernard Bousquet qui s'appelle « Tel Douche et sa région, géographie d'une limite de milieu à une frontière d'Égypte », paru dans la collection des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire en 1996, et à l'ouvrage de Michel Redé qui s'appelle « Douche 3, Kizis, les fouilles de l'IFAO à Douche », toujours dans les collections de l'Institut français du Caire, mais paru en 2004, et en particulier aux pages 190-191 qui sont très éclairantes. C'était les cours du Collège de France le 17 octobre 2017. Vous venez d'écouter l'archéologue Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui de l'olivier sauvage à l'olivier domestique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. Il a notamment publié aux éditions Errance « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » en 2017, chez le même éditeur en 2004 « Archéologie du vin et de l'huile de la préhistoire à l'époque hellénistique ». Et je cite également « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » en 2003. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration du monde méditerranéen antique, de la culture des oliviers et des techniques autour de l'huile d'olive en compagnie de Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.